de ce toit. Tu n'as pas d'amis. Tout se débrouille. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. On t'agresse, t'es pas bête. Alors t'encaisse, baisse la journée. Ça te fait bien chier. Baisse la journée. Ça te fait bien chier. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh, oh. Vive la gueule. Hey, oh, oh. Pas envie de parler. Envie d'acmer là. Au bois du comptoir. Même dans tous les bars. Toujours des connards. Te pose des questions. Raconte-leur du con. Tu n'as pas d'amis. Tout ça est pourri. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh. Vive la gueule. Hey, oh.